plus un devenir. Je ne reconnais plus tes gestes. Tu ne me connais plus. On s'est perdu. Je ne reconnais plus tes gestes. Là où les liens se sont défaits, tout refaire.